le meilleur de la scène blues, se donne rendez-vous dans le Blues Café. Avec Cédric Vernet et Francis Ratto, l'émission concert en public au Millennium de l'île d'Abo. 100% blues. Bonsoir à tous et bienvenue dans le Blues Café en live et en public. Le Blues Café de ce soir est consacré à un groupe de la région puisqu'ils sont stéphanois, nos invités de ce soir, Devil Joe and the Backdoor Men. Bonsoir Francis. Bonsoir Cédric, souviens-toi d'ailleurs, on avait relâché ces foudres de blues un jour de janvier 2011, hein, si je me souviens bien, des studios E3 de la radio Couleur FM où nous faisions auparavant le Blues Café. Depuis, bien, ils ont survécu ce passage à Couleur FM et nous aussi d'ailleurs, Cédric. C'était presque leur début à ces Backdoor Men, n'est-ce pas? Oui, et ils ne nous en ont pas voulu de les avoir fait jouer dans un si petit espace en compagnie de l'américaine Debbie Bond. Tu te souviens, il y avait du monde dans les studios à l'époque. La preuve, ces stéphanois nous reviennent toujours avec leur fougue, mais avec un cinquième album qu'ils viennent nous présenter. Et oui, ils sont là sur la scène du Blues Café. Sarah, Kenny Mella, aka Devil Joe au chant. Laurent de Carvalho à la guitare, à l'harmonica peut-être ? Et au cœur, Vincent Aubrin à la guitare, Jérémy Ranchon à la batterie, Guillaume Augier à la basse. Mesdames et messieurs, voici Devil Joe and the Backdoor Men. Thank you. merci au Blues Café de nous avoir invités. On est content d'être là, Francis. On est content d'être là, Gilles. Merci à vous tous. Les murs du Blues Café vont trembler ce soir avec Devil Joe and the Backdoor Man. Et on va leur demander de nous rejoindre ici sur la scène. On va demander par exemple à Sarah et Laurent de venir pour nous parler de leur projet. Voilà, Laurent et Sarah avec nous. Ça va, Laurent? C'est moi qui m'appelle Sarah. Oui, je sais bien. Bon, et c'est vrai que tout à l'heure, on a dit qu'on vous avait un peu laissé tombé pendant quelques années, donc on vous avait perdu, on vous avait demandé, on a supposé que vous aviez survécu, mais en effet, on vient de le constater, vous avez bien survécu, mais maintenant, on voudrait savoir comment, parce qu'en plus, je crois qu'il y a eu un changement de, au fil des années, un changement de line-up de musiciens dans le groupe. C'est ça, ouais. Alors oui, effectivement, le groupe il s'était formé fin des années 2000. On avait tourné avec un premier line-up avec lequel on avait fait deux EP et un album. Ah, un peu plus près, c'est bouchon, c'est pour ça, je n'entends pas. À la suite de cet album-là, bon, il y a pas mal de gens dans le groupe qui ont voulu prendre d'autres directions. Il y en a qui n'étaient voilà, qui pas forcément... Des mauvaises directions, forcément. Effectivement, mais ça, là, tu prêches un converti. Hein, voilà. Et du coup, on s'est retrouvés tous les deux pendant un petit moment et on avait des morceaux à enregistrer, on avait des morceaux à composer, on avait des morceaux aussi à développer. Et on a fait appel on va dire qu'on a casté les autres membres du groupe, mais ah, si, dis-le, rien que pour le plaisir. On les a castés, ouais, on les a fait passer mal. un petit casting, The Voice. Voilà. Voilà, on leur a payé les frais de déplacement et tout. Et en fait, non, dans nos amis proches, dans nos amis musiciens, il y avait ces trois personnes-là qui ont fait l'affaire très très vite. Et puis, vu que le groupe, c'est une question de d'humanité aussi, c'est des gens avec qui on a de grosses accroches humaines, voilà, affectives. Tu vois, ce sont des humains, Cédric. Pour faire simple, c'est des copains, quoi. Voilà. Alors, vous étiez venu en 2011, on peut dire qu'on vous suit depuis le début, puisque votre premier EP date de 2010. Oui. C'était un 4 titres, il s'appelait Rough Blues Makers. Et il y a eu ensuite trois autres EP en 2012, 2015, 2016. C'est marrant, vous aimez bien ce format-là, en tout cas. Alors, vous, par fainéantise ou par manque de budget ou par goût? Un peu tout ça. Un peu tout ça. Non, bah, disons que le premier EP, Rough Blues Makers, c'était plus une démo. Ouais. Autre chose, en gros. Voilà, il fallait qu'on enregistre notre musique, il fallait qu'on propose une carte de visite, c'est ça, ouais. Et, bah, derrière, on s'est dit, bah, on est motivé, on a suffisamment de titres et tout, on va se faire notre album. Voilà. Avec donc un album sur lequel il y a 6 titres. Et en fait, on avait enregistré 12 titres en 2 jours. Sur les 12 titres, il y en a un qui s'est retrouvé sur le prochain album, qui s'appellera Press Rewind. Et il y en a donc 6 qui sont restés dessus. Et il y en a 4 autres qui n'étaient pas très cohérents avec le reste de l'album. Donc on les a sortis en EP un petit peu après. Voilà, alors le nouvel album, on en reparlera dans une autre séquence. Oui, parce que je pense que certains titres que vous jouez ce soir seront sur cet opus. Hein. Oui, il y en a beaucoup. Alors, il y a un truc que je voudrais savoir, Sarah, parce que Devil Joe, c'est un surnom, mais pourquoi? T'es une diablesse? Ta voix sourde du diable? Écoute, ce qui est parfait, c'est que je vais te laisser dire, comme ça au moins j'aurais pas besoin de raconter la vraie histoire. Mais si, je sais pourquoi, si. C'est vrai que c'est tombé un petit peu par hasard. Les garçons à l'époque m'avaient dit bah, choisis-toi un nom, comme ça. Moi, je savais pas vraiment quoi faire, quoi dire. Et en fait, c'est simplement. Tout d'abord, une référence à une BD que j'adorais de quand j'étais gamine qui s'appelait Joe. Voilà, c'est l'histoire de quelqu'un qui avait le sida. Enfin bon, tralala, on s'en fout. Mais elle m'avait marqué et en référence justement au blues et aux légendes du blues, en fait, avec, comment il s'appelait Avec Mighty Joe. Mighty Joe, notre super copain Mighty Joe. Voilà, le fameux démon du Crossroad qui me passait par la tête à ce moment-là. Et des crossroads, il y en a partout. C'est vrai. Donc on rencontre en permanence, partout. Ne serait-ce que la rencontre avec Laurent. Même à l'île d'Abo, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup aussi, mais bon, vous êtes en quelque sorte un peu le pilier du groupe tous les deux, puisque vous êtes depuis les débuts ensemble. Il y a une véritable complicité, amicale certainement, mais aussi musicale, parce que l'une chante et l'autre joue de la guitare. Comment ça se passe, cette relation, ce binôme? Bah, disons que... Je la supporte plus, quoi. Voilà, voilà. Et puis, on fait comme les Stones, en fait. C'est des moments où pendant 5 ans, on s'arrête parce qu'on supporte plus. Puis après, on revient. Donc, voilà. Non, ça sent mauvaise plaisanterie. Non, en fait, oui, c'est vrai qu'il y a un rapport qui est très fort entre nous. Et je pense que c'est parce qu'on vient un petit peu tous les deux, voilà, un peu du même milieu. Donc, voilà. Et on a surtout un amour, tous les deux, de la musique qui est authentique, en fait. On dit souvent, on n'aime pas forcément que le blues, que le rock, que la soul. On aime toutes les musiques qui sont sincères, belles et authentiques. Voilà. Et on se rejoint sur pas mal de choses. Et alors, est-ce que ça se ressent aussi dans vos compositions? Vous interprétez des compos, il y a des reprises aussi dans votre répertoire? Il y a, depuis le début du groupe, il y a eu quelques reprises, mais très rares. Rare, ouais. On en a fait donc essentiellement deux, trois, des compos. Et du coup, c'est pareil, ce tandem, est-ce qu'on le retrouve, cette complicité dans l'écriture des textes aussi? Des musiques, oui. Ouais. Alors, dans l'écriture, dans le fond des textes, peut-être pas forcément, mais après, dans la composition, donc on compose tous. Et Sarah, quand il faut composer, quand il faut trouver des lignes de voix, elle sort un petit peu ce qui lui passe par la tête. Donc, des moments, c'est souvent, on écrit tout en anglais. Et dans ce qu'elle sort, il y a des choses qui sont cohérentes, il y en a d'autres qui le sont moins. Et une fois qu'elle a trouvé, l'équilibre dans sa ligne de la ligne, ouais, on essaie de voir un petit peu les mots qui marchent, les mots qui marchent pas. Et puis à partir de ça, on essaie d'écrire un texte. Voilà, on raconte quelques histoires. Ça peut parler de tout et n'importe quoi. Du coup, c'est une écriture collective ou c'est plutôt toi qui tiens la plume? C'est collectif. D'accord. J'ai écrit les textes pendant un bon moment, ouais. Mais là on est avec ce line-up là, on a vraiment une unité dans la volonté d'écriture et de composition. Ouais. Alors les musiciens actuels ont participé aux deux derniers disques ou au dernier simplement? Le dernier. En fait, le dernier disque. C'est-à-dire Last Ashes of the Beginning. Alors non, justement celui-ci, Skinnyman. C'est Mr. Skinnyman. Voilà. D'accord. C'est notre EP. Voilà le line-up que vous voyez ce soir. C'est le line-up qui joue sur ce disque-là. En fait, Last Ashes of the Beginning, c'est les quatre derniers morceaux du premier album. Avec être compliqué ça. On voulait les sortir et ouais. Voilà. Et qu'est-ce que ça veut dire le nom de cet album d'ailleurs, Last Ashes of the Beginning? Ça veut dire les dernières cendres du début. Oui, c'est ce que j'avais compris, voilà. Mais ça a une signification quand même. Oui, parce que je parle espagnol, donc j'ai bien compris. Ah, mais... ben voilà, donc tu toques bien la guitare. Mais ça signifie, ça a une symbolique? Oui, parce que voilà, ces morceaux-là, on ne voulait pas les laisser traîner, on voulait en faire quelque chose. Alors, on ne les a pas sortis officiellement. Voilà, on a fait quelque chose d'assez discret, assez sobre. Mais voilà, c'était pour nous une façon de clôturer la première mouture de Devil Joe, en fait. Voilà. Alors sur l'album d'ailleurs, cet album, Mr. Skinnyman, il y a un titre qui s'appelle Muddy Waters, alors que tu as un John Lee Hooker tatoué à ton bras, c'est deux grosses références là, les deux noms que je viens de citer. Oui, bien sûr. Alors, c'est pas très radiophonique, mais montre au public quand même. J'espère que vous voyez à la radio. Hein, on aimerait bien qu'il y ait Blues Café la prochaine fois, quelque part. Bah, c'est prévu hein, dans le bras. Il y a de la place, ça va. On a reçu des invités qui avaient beaucoup moins de place que tu n'en as, toi. Forcément, ouais, mais j'en suis bien persuadé. Et oui, alors pour le coup, Muddy Waters, on le dit à chaque fois qu'on la joue, cette chanson, c'est pas une chanson qui parle de McKinley Morganfield, c'est une toute autre histoire, c'est vraiment Muddy Waters au sens propre du terme, c'est-à-dire le loup boueuse. Voilà. Mais pour répondre à votre question, Muddy Waters, c'est tous les pionniers du blues des années 60, enfin, avant les années 60, avant le revival blues anglais, tous ces gens-là sont des références pour nous, entre autres. Hein. Donc Muddy Waters, ça concerne surtout le Mississippi, j'imagine? Pas forcément. Ça non. Pourrait se passer là-bas, mais c'est... On dit toujours les eaux boueuses du Mississippi. Oui, mais c'est vrai. Mais après, ça peut être laissé à l'interprétation de chacun aussi, mais ça pourrait se passer là-bas, effectivement. Et puisqu'on parle des pionniers, on ne peut que vous conseiller de voir ce très beau documentaire qui est passé il y a quelques semaines sur Arte et qui est accessible gratuitement sur YouTube, qui s'appelle American Epic, produit par Robert Redford et Jack White et qui est une vraie pépite. Puisqu'on parle de pionniers, on va vous passer un album qu'on a beaucoup aimé, Francis et moi, de quelqu'un qui s'appelle Robert Finlay. Son album s'appelle Going Platinum. Cet album, il est produit par quelqu'un de bien connu, puisque c'est Dan Auerbach des Black Keys. Et cet album a été enregistré à Nashville. Voilà, tous les ingrédients en tout cas sont réunis pour faire de cet album un indispensable. Et on écoute Robert Finlay avec ce titre Get It While You Can. And get it when you can. Vous êtes bien dans le Blues Café Live. Nous sommes ici au Millennium de l'île d'Abo, comme tous les deux mois, et vous pouvez assister à ces émissions en allant sur le www.bluesactu.com et en allant voir toute notre programmation. Sur scène ce soir, il y a les Devil Joe and the Backdoor Man. Charlie Rowe. Ils sont ce soir dans le Blues Café, Devil Joe and the Backdoor Man. Vous écoutez bien le Blues Café live. Ce soir, il y a Devil Joe and the Backdoor Man. Le groupe est composé de Sarah au chant. Il y a Laurent à la guitare, à l'harmonica et au chœur, mais on ne l'a pas encore entendu ce soir à l'harmonica, mais il doit en jouer. Il y a aussi Vincent à la guitare, Jérémy à la batterie, Guillaume à la basse. Ce sont les Devil Joe and the Backdoor Man. On va vous demander de nous rejoindre. Alors, on retrouve Laurent, que voilà. Avec le micro commun, comme si vous aimiez bien. Ouais, on va faire semblant, hein. Ouais. Alors, on a un petit peu parlé de vos anciens albums. On ne peut pas vraiment appeler ça des albums, puisqu'il n'y avait que 4 titres. On va surtout parler du prochain, maintenant. Alors, il se trouve que le Blues Café, l'émission que les gens écoutent ce soir, a été enregistrée il y a quelques mois et quelques semaines. Et justement, je crois que vous êtes en pleine finalisation de ce nouvel album. Ouais, on vient de recevoir du coup les mix. Et donc, l'album, normalement, devrait maintenant, le temps de faire presser ça et de préparer une petite sortie, on espère, en avril-mai. Voilà. Alors, justement, ce nouvel album, on en a quelques extraits, j'imagine, les titres qu'on entend ce soir dans le Blues Café. D'ailleurs, peut-être depuis le début, non ? Il y en a un, le deuxième, My God It, sera sur l'album, et les deux derniers morceaux qu'on va jouer juste après, là, seront sur l'album. Alors, on reste quand même dans le même schéma musical. On va peut-être même un petit peu plus loin, mais en allant plus loin, j'avais envie de savoir un peu quelles étaient vos influences. Tout à l'heure, hors antenne, on parlait des Black Keys, Jack White. Ça fait partie de vos références. Exactement. Sarah, ouais. J'ai l'impression. Hein. Ouais, Sarah aime beaucoup Jack White, mais on aime tous beaucoup Jack White. Nos influences, c'est vraiment le blues traditionnel pour tout le monde. Et après, on a chacun des petites chapelles, des variantes, que ce soit le rock 70, le punk rock et tout ça. Mais après, bon, c'est la grande famille du rock, en gros, c'est ça. Mais on a amené chacun notre petite touche à droite à gauche de Led Zepp, de punk rock, comme je disais, pour Guillaume. Et comment on arrive à faire cette sauce, justement, quand on apporte toutes ces influences assez diverses, malgré tout, hein ? Oui, il y a un tronc commun, quand même, qui est le rock. Et donc, on cherche pas à copier un style ou quoi que ce soit. Donc, mais comment ça, concrètement ? Il y en a un qui tranche, il y en a un qui lance un riff. Ouais. Sarah crie et elle chante. Sarah crie, ouais. Non, on compose, ouais. En général, on amène un... Ça, c'est quand même basé sur la guitare, donc on amène un riff de guitare, que ce soit Laurent, que ce soit moi. Et après, on buff dessus, on jam, et on enregistre tout. Et après, on écoute et on regarde et ce qui est... Et on structure. Et on structure. Et si ça a été spontané, en général, ça nous plaît. Si ça demande trop de boulot, c'est rare que ça aboutisse sur une chanson. Même si ça arrive de temps en temps. Mais on compose tous ensemble et ça part d'une idée. Après, c'est souvent aussi Jérémy et Laurent qui se... À la batterie, Jérémy, qui se retrouvent tous les deux et qui jouent et ils nous proposent leur petite idée de la semaine dernière et nous, on se greffe dessus. Voilà. Alors, combien de titres il y aura sur cet album, du coup ? 9, je crois. Voilà. 9 titres ? 9 titres. Ah, ça augmente. Peut-être que dans 10 ans, on aura un album complet, 12 ou 13 titres. Alors. Un double ? Un double album, carrément, concept ? Ouais. Je te pensais pas si formaté, Francis, tu me déçois. Ah, non, c'est bel effort quand même. 9 titres, mais bien sûr, chaque titre fait à peu près 15 minutes. Donc, voilà, ouais, non. Non, justement. Alors, est-ce que vous allez sortir un vinyle comme il se fait maintenant souvent ? On espère vraiment sortir un vinyle. Je pense qu'il y aura certainement deux pressages. Un pressage vinyle en petite série, parce que ça coûte un peu d'argent et ça concerne un petit peu moins de monde. Et puis un pressage CD pour pouvoir le distribuer plus facilement quand on croise des gens, parce qu'on a du mal aussi. Le but, c'est nous, c'est pas de vendre des disques, c'est simplement que les gens les écoutent. Donc, il faut pas que le prix du vinyle, forcément, il est plus élevé. Donc, ça peut rebuter certaines personnes. Tandis que le CD, on peut limite le donner. Et au moins, ça nous fait plaisir, les gens peuvent l'écouter. Mais dans le style, je reviens un peu sur le style de cet album et de vos influences, puisqu'on en parlait tout à l'heure. C'est vrai que c'est très large, parce que moi, j'ai réécouté tous vos disques, là. Forcément, hein, on est obligé, hein, on ne peut pas faire autrement. Ah, c'est un métier. Ouais. C'est un métier, il faut tout écouter. Et c'est vrai qu'on y retrouve des effluves de soul, même, parfois. De heavy, moi je suis un petit peu moins heavy rock, un peu dur, mais ça y est aussi. Je ne sais pas qui est plutôt metal dans le groupe. Soul, blues, rock, vraiment. Il y a même un peu de funk aussi parfois. Oui, oui. Bah, c'est un petit peu aussi toute la musique des années, enfin un peu plus vieille pour le blues, mais à partir des années 70 qui nous a influencés. Donc le funk, la soul et tout le rock, tout le classique rock, voilà. Mm. C'est ça. Mais après, sur le nouvel album, les chansons ont une structure un petit peu plus justement chanson et moins. Il y a moins de développement comme sur ce qu'on faisait avant, des chansons moins longues et plus structurées avec l'influence de Jack White par exemple, plus structurées. C'est format pas toujours plus court. Très structuré Jack White quand même. Hein. Non, mais pas structuré. Mais son tout dernier album, là, je vois pas trop la structure. Mais... D'accord. Mais plus déjà dans la durée, c'est des chansons moins longues et plus format couplet-refrain et sans moins de solos de guitare. Enfin, on en peut plus des solos de guitare. Ouais. Hein. Et dans la mouvance, je parlais tout à l'heure qu'il y avait quelques effluves de soul de temps en temps. Et qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle soul un peu plus rock, comme avec Gary Clark Jr. Par exemple ou d'autres ? Est-ce que ça fait partie aussi de quelque chose qui peut vous influencer, que vous aimeriez une approche aussi un peu différente ? Oui, oui, pourquoi pas. Mais en fait, Gary Clark Jr., c'est quelqu'un de très intelligent qui a su faire quelque chose de moderne en se basant sur des choses qui sont très anciennes. Et malheureusement, c'est pas le cas de tous les gens qui cherchent à créer quelque chose de nouveau aujourd'hui. Et alors, c'est vraiment un exemple à part. Pardon ? T'es sévère. Disons que moi, enfin, c'est mon avis, hein, mais je trouve qu'on a, on revient souvent à des formats qu'on aimait écouter avant. Ouais, on aime sortir des choses qui rappellent ce qu'on écoutait avant. Et on cherche pas vraiment à créer, on a peur de créer. Et Gary Clark Jr., lui, c'est un des, on va dire que c'est une bonne relève pour le blues, la soul, les deux en même temps, et qui peut toucher un public plus large. Il y a quand même un vrai revival, justement. Tout à l'heure, on parlait de Jack White, on parlait de, on parlait des Black Keys, de Dan Auerbach aussi, qui fait pas mal de choses. Tout seul, les deux, je pense, ont d'ailleurs cette même passion pour les vieux bluesmen et la tradition du blues. On parlait de American Epic tout à l'heure aussi, qui a eu un beau succès d'audience. Est-ce que vous ressentez pas quand même qu'il y a une forme de renouvellement et de revival de ces musiques-là? Bien sûr, mais oui, on les entend partout. Je sais pas, des gens comme Leon Bridges, par exemple, il fait quelque chose de très très bien. Mais par contre, c'est très typé, c'est très typé soul 60s. Voilà, dans l'enregistrement, dans les sons qu'il a choisi, dans la composition, dans le format, on est plus proche d'Otis Redding que de choses actuelles et nouvelles. Voilà. Et il y a tout un tas d'artistes comme ça, par exemple JD McPherson, que j'aime beaucoup. Ouais, nous aussi, on aime beaucoup. Ouais. Et voilà, et donc JD McPherson, ça sonne moderne, mais le format, tout ça, ça reste quelque chose de classique. Quoi. Si, Sarah, t'es la chanteuse du groupe, hein, il paraît. Oui, c'est vrai. Et justement, comme chanteuse, est-ce que toi, tes références de chanteuse vont justement dans les vieilles dames du blues, du jazz? Il y en a effectivement, mais c'est vrai que tu vas voir que en fait je suis une tête percée et que j'oublie les noms, mais I Got My Home, Nina Simone ouais. Évidemment, mais Nina Simone, elle a quand même su apporter, à l'époque où elle était au plus grand de sa forme, elle a quand même su amener des trucs extrêmement contemporains quand même dans ce qu'elle proposait, il me semble. The A-Train, tu te rappelles pas de comment elle s'appelle? Je la chantais souvent. 30 secondes. Balance. Don't know why there's no sun up in the sky, stormy weather, stormy weather. On va faire une petite pause musicale, nous, on va aller du côté, voilà. On va écouter un album qui s'appelle Blues with Horns. Ils sont pas trop cassés la tête sur le nom de l'album. En tout cas, ils ont bien réfléchi au packaging, puisque on a une espèce de forme ça. De 3D. C'est pas radiophonique. Alors mais c'est il est vraiment jamais pas radiophonique, mais voilà. Hop, vous voyez, ça vous fait une petite boîte en relief. C'est assez incroyable, cet album. Chris Daniels, il s'appelle Volume 1, donc on imagine qu'il y aura un Volume 2, on l'espère en tout cas, parce que l'album est vraiment peut-être extrêmement sophistiqué. Intéressant. On écoute un titre qui s'appelle Sweet Memphis et on retrouve juste après Devil Joe and the Backdoor Man. Roll down the window and crank up the radio. She leaves. down by the river lights. Keep finding some song she loved just to make her feel alright. Alright. Chris Daniels à l'instant dans le Blues Café Live. Retour ici en direct du Millennium de l'île d'Abo, c'est en Isère. Et on en profite d'ailleurs pour remercier toute l'équipe technique du Millennium ainsi que la municipalité de l'île d'Abo qui nous permet de faire ces émissions dans ce beau cadre avec toujours autant de monde et de public. Et on vous remercie vraiment d'être là ce soir. On retrouve, vous pouvez effectivement vous applaudir, voilà, parce que ça... Vous faites preuve de toujours autant de fidélité. On remercie également l'équipe de Tienbo. Je vois Thibaut avec ses caméras qui vous permettent de retrouver sur notre chaîne YouTube quelques extraits de cette émission. Voilà, on retrouve Devil Joe and the Backdoor Man. Ils sont sur la scène du Blues Café sous les applaudissements de notre public. Ils sont nos invités ce soir dans le Blues Café Live, Devil Joe and the Backdoor Man. C'était les Devil Joe and the Backdoor Man. Merci de nous avoir reçus. Se donne rendez-vous dans le Blues Café. Avec Cédric Vernet et Francis Rateau, l'émission concert en public au Millennium de l'île d'Abo. 100% blues. Il y avait ce soir Guillaume à la basse, Jérémy à la batterie, Vincent à la guitare, Laurent à la guitare et à l'harmonica et Sarah au chant. Ils s'appellent les Devil Joe and the Backdoor Man. Leur album va sortir dans quelques jours, guettez-le sur le net. Merci beaucoup à tous d'être venus aussi nombreux ce soir. On vous rappelle que vous nous retrouvez sur le www.bluesactu.com. Un grand merci à toute l'équipe du Millennium et au studio Magneto qui assure le mixage et la réalisation de cette émission. On se donne rendez-vous le mois prochain. À très bientôt, Francis. À très bientôt, Cédric. Et on ne va pas se quitter comme ça. Puisque le public redemande encore du Devil Joe and the Backdoor Man, on va leur demander encore un titre en bonus en finale. Merci à vous. Prochain morceau. Et il est sur l'album. Sur le prochain album, après avoir demandé confirmation. Merci beaucoup. Voilà, alors merci de nous joindre de Back Dormen. Je vois que vous avez des listes à vendre.